13 ans procureur général de la République, 10 ans premier ministre, 12 ans président du Sénat. Mémoire. Je suis Léon Kengo Wadoum. Rendez-vous ce vendredi 26 février, 20h30. 13 ans procureur, 10 ans premier ministre, 12 ans président du Sénat. Notre invité a dirigé des institutions de tous les pouvoirs dans le Zaïre redevenu Congo. Qui est Léon Kengo Wadondo, Kengo l'État, comme beaucoup l'ont surnommé? Nous l'avons rencontré à deux reprises pour tourner cette émission qui revient sur 50 ans de vie publique. Nous avons parlé de ses relations avec Mobutu, de ses relations avec Tshisekedi, le père, avec Kabila, le fils, car pendant Kabila, le père, pour lui, c'était l'exil. Léon Kengo Wadondo, comme jamais il ne s'est confié auparavant, à part dans son livre « La passion de l'État », livre qui s'est d'ailleurs interrompu à son arrivée au Sénat. Troisième invité de l'émission Mémoire, il évoque avec nous en 7 chapitres de sa jeunesse, ses études, de Monkoto à Bruxelles, en passant par Coquilhatteville, aujourd'hui Bandaka, toute sa carrière. En 7 chapitres, les années justice, le conseil exécutif, la chute de la maison Mobutu, de nouveau la même période pour parler démocratisation, conférence nationale souveraine, AFDL et exil. Le retour d'exil, il en sera question, la victoire au Sénat, les années Kabila dans le sixième et avant-dernier chapitre. Émission Mémoire qui se terminera par l'épilogue, le conseil aux générations présentes et futures. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Mémoire rencontre avec Léon Kengo Wadondo, c'est maintenant. Je suis Léon Kengo Wadoum, né à Libengue, le 22 mai 1935. Où est-ce que vous grandissez? J'ai grandi à Monkoto. Et puis, ma grand-mère vient me chercher à Monkoto pour venir au groupe scolaire de Coquilhatteville. Et j'arrive, ma mère m'avait amené à Monkoto en 43, ma grand-mère vient me chercher en 47. Donc j'ai fait l'école boussonnée de 43 à 47. Vous avez 12 ans. 12 ans. Pourquoi votre grand-mère vient vous chercher alors que votre maman, Coquilhatteville, qui est aujourd'hui Bandaka, vous avez amené à Monkoto? Mais parce que ma mère avait épousé un militaire et ce militaire nous a pris et il était devenu mon père. Et je suis resté à Monkoto de 43 à 47. Et pourquoi vous n'alliez pas à l'école à Monkoto pendant ce temps? Parce qu'il n'y a pas d'école. Il y avait une seule classe, et c'est la classe était l'école de Lévia. Et j'allais à cette école tous les jours, à plus de 10 kilomètres. Chaque jour, 10 kilomètres aller, retour. Oui. Et j'ai fait là de 43 à 47. Alors, ma grand-mère, qui était restée à Libengue, est venue à Coquilhatteville, a fait son petit commerce, a trouvé de l'argent et est venue me chercher pour me mettre au groupe scolaire. Et les jours où elle m'a mis au groupe scolaire, on est venu lui dire à un garçon du groupe scolaire, il dit, maman Ida, oui, na oui, moi, kokonangai. Oui, kousan, eni, na, na, égoutier, na, groupe scolaire. À côté, na, groupe scolaire. Ah, bah, ko bêta. Pourquoi? Ah, mais c'était à cette époque l'esprit. Hein. Alors, Ma grand-mère a eu peur. Chaque matin, elle allait me déposer à l'école. Et jusqu'à ce que je m'habitue avec les autres élèves, alors il m'a laissé. Là, vous aviez 12 ans, vous étiez en primaire, c'était quel niveau? J'étais en deuxième primaire. Je suis en deuxième primaire, et puis après, non, je suis passé en troisième, en quatrième, jusqu'en sixième secondaire. Que vous terminez toujours à Coquilhatteville. À Coquilhatteville en 58. Parce que entre-temps, l'école a changé de cycle. Nous étions de janvier jusqu'à décembre. Et maintenant, comme on veut que nous puissions aller à l'université, alors on a changé de cycle. On a commencé d'abord par faire 2 ans, pour arriver à juin-juillet. Donc vous terminez l'école secondaire à 23 ans. Oui. Parce que mère avait épousé un militaire et j'ai traîné dans les camps militaires. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette époque? Vous viviez comment? C'était comment à l'époque? Mais à cette époque, moi je considère que c'était pour moi une très bonne époque parce que, j'avais la possibilité de suivre l'école. Et puis, deux, j'étais très bon élève. Et depuis que je suis entré au groupe scolaire, je n'ai jamais redoublé. Et j'ai terminé en 58 parce que, normalement, je devais poursuivre parce que ceux qui étaient avec moi à l'école primaire, ils ont terminé en 5 ans. Ngoulou a terminé en 5 ans. Un peu avant vous. Oui. Vous disiez, parce qu'on a lu votre livre Passion d'État, même si on ne va pas parler de votre livre, on va vraiment parler de votre vie différemment. Vous disiez que vous étiez un enfant turbulent. Très turbulent. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en troisième primaire, mon moniteur, le Seringa, venait, dès que je commence à parler, il vient mettre la craie sur mes lèvres. Il dit, si ça se mouille, c'est que vous avez parlé. Pourquoi vous étiez autant turbulent? Mais on ne se rend pas compte. Hein. Il faut qu'on vous dise. Mais j'étais turbulent parce que ma nature était turbulente. Vous dites encore dans votre livre que on sentait que vous étiez différent des autres, du fait déjà de la peau. Oui. Comment vous avez vécu cette différence? Au début, c'est traumatisant parce que les autres enfants m'insultaient. Mondeletuka. Mou? Mondeletuka. Mondeletuka. Tuka, c'est une de Chikwang de l'Équateur. Okay. Alors on dit que moi je suis Mondeletuka, c'est-à-dire Nazen Nakoli Natuka. Et Tuka, c'était une sorte de manioc. 1958, vous terminez vos études secondaires. Mmh. Que faites-vous? Vous êtes toujours à Coquilhatteville, Mbandaka. À ce moment-là, que faites-vous? Puisque, excusez-moi, vous avez souligné que vous avez, au cours de vos études secondaires, dû changer parce que vous aviez décidé d'aller à l'université ensuite. C'est bien ça. Et j'ai terminé. Ma grand-mère était venue me chercher. Toujours? Oui. À 23 ans, votre grand-mère est toujours là? Oui, ma grand-mère est là et ma grand-mère m'a pris. Nous sommes venus à Coquilhatteville. Alors, c'est là où je vais terminer mon école secondaire. Mmh. Et c'est elle qui s'occupe de mon manger, de tout ça. Nous allons à la messe. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, un élève est venu dire à ma grand-mère... Qu'on va vous taper. On va me taper. Alors, elle venait toujours me déposer devant l'école. Mmh. Après l'école secondaire, où êtes-vous allé? Après l'école secondaire, les Français sont venus ici à Coquilhatteville et ils ont créé une sorte d'université. Et moi, on m'a admis là-dedans. Et je suis resté là une année et j'ai trouvé qu'avec ça, je n'irai pas loin. Vous faisiez quelles études? Mais je faisais des études de droit. Mais je voyais que je ne pouvais pas aller loin là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de perspective d'avenir. Alors, et d'ailleurs, les premiers examens, je suis sorti avec plus de 90%. Et ils sont partis. Moi, j'ai décidé d'aller à l'ULB. Vous connaissiez déjà l'ULB à oui. Coquilhatteville? Oui. Alors, je suis venu à Kinshasa. Eux ont donné cours ici à Kinshasa, là où se trouve le palais de justice. Alors, j'ai décidé de ne plus rester ici, d'aller à l'ULB. L'ULB qui est l'Université libre de Bruxelles, à Bruxelles. Oui. Vous veniez d'une famille, votre père était militaire, votre maman vivait à Mokoto, votre grand-mère était vendeuse à Coquilhatteville, faisait son commerce à Coquilhatteville. Comment est-ce que vous financez ce départ à Bruxelles? C'est-à-dire... J'étais à un moment donné magistrat auxiliaire. Ok, après vos études, après vos premières études. Après mes études secondaires. Mm-hmm. Et je suis devenu magistrat auxiliaire. Et c'est moi qui autorise la famille à aller voir ses amis ou ses enfants à la prison. Alors, compte tenu de cela, on m'a donné une situation un peu meilleure. Et alors, après, j'ai décidé d'aller à l'ULB et j'autorisais un attaché culturel de l'ambassade de Belgique à aller voir les prisonniers qu'il voulait. Et nous avons lié d'amitié. Alors, je lui demande maintenant, je dis, je voudrais avoir une bourse. Il dit oui, mais il faut demander que les autorités écrivent à nous. Alors, j'ai Mabolia, à ce moment-là, était régent. Mabolia Inengo Traboato. Oui, c'était régent littéraire. Alors, je suis allé chez lui, j'ai dit, bah, écoutez, Jeff, il faut me faire une lettre, qu'on me donne une bourse. Et lui a fait une lettre, je suis allé chez l'attaché culturel de l'ambassade de Belgique. Il m'a trouvé une bourse. Et vous êtes parti en Belgique en quelle année? Je suis parti en Belgique en 62. 62 pour faire des études de droit. De droit. 5 ans. Là, donc vous avez vécu l'indépendance. J'ai vécu l'indépendance. J'ai été devenu magistrat auxiliaire. Et tout le monde dans mes réquisitoires me félicitait. Mais je ne me suis pas contenté de. J'ai dit, il faut que j'aille. Et je suis allé à l'ULB. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Vous arrivez à Bruxelles. La Belgique vient de perdre le Congo. Oui. Il y avait même des problèmes entre le royaume de Belgique et le Congo indépendant. Surtout avec Lumumba. Comment se passent vos années d'études en Belgique? Rien. On ne fait même pas allusion à ça. J'entre à l'ULB, je m'inscris en droit, et puis je commence. Et j'ai fait 5 ans, j'ai fini, je suis rentré. Alors vous allez en Belgique, alors que beaucoup à cette époque-là restaient encore vivre. Vous décidez de revenir. Oui. Pourquoi? Parce que, entre-temps, Mobutu est venu comme commandant-chef en Belgique et nous a reçus tous. Étudiants. Oui. Et m'a dit, mais vous ne pouvez pas rester ici. Si vous terminez, venez. À ce moment, il était commandant-chef. Alors, ça nous a titillés. Et puis, moi, je suis rentré. Et puis, le lendemain, je suis allé le voir. Il m'a engagé comme conseiller à la présidence. Conseiller à la présidence. De 67, quand vous rentrez, jusqu'à son départ, certains diront que vous avez toujours, au moins jusqu'au 24 avril 1990, eu des fonctions. Quels sont vos premiers contacts avec Joseph Mobutu à l'époque? Je connaissais Mobutu parce qu'il était au groupe scolaire. À Mbandaka? Oui. Ils étaient nos aînés. Je l'ai connu à cette occasion-là. Je l'ai connu, il m'a connu. Et quand je suis rentré, je suis allé me présenter chez lui. Il était déjà chef de l'État. Alors, il avait son aide de camp, colonel Pouis de Ten Bosch. Alors, il appelle Pouis et dit, voilà, j'avais mis un costume 3 pièces. Il dit, voilà, voilà comment ces garçons sont habillés. Nous sommes partis là. Et Il m'a loué auprès des POIS. Et POIS m'a pris en amitié. Et je suis resté à POIS jusqu'à son départ. Donc en 67, vous êtes conseiller à la présidence de la République. Vous avez 32 ans. Oui. Et je n'ai pas fait longtemps. Une chose, Bissingiman a dit, mais on m'a dit que vous êtes plutôt tendance magistrature. Je dis oui. Alors, Bissingiman va faire en sorte que je sois nommé magistrat. Procureur général à la Cour d'appel d'abord. D'abord. Et après, procureur général de la République. Vous avez donc. Vous êtes resté combien de temps procureur général de la République? Je suis resté 13 ans. Quelle longévité! Oui. Pourquoi aussi longtemps? Mais je crois que le président appréciait ce que je faisais. Il appréciait pourquoi? Parce que vous faisiez ce qu'il vous demandait ou parce que vous rendiez vraiment la justice? Mais parce que. Il considérait que j'avais porté la justice très haut. Et je faisais ce que lui voulait. Donc c'était la justice à la solde de l'exécutif. Disons, j'étais indépendant. Je faisais mon travail et le président appréciait. Pendant toute cette période, il y a eu beaucoup de procès, de grands procès qu'on a dit. Oui, il y a eu l'affaire Bangala, il y a eu le procès à la Sanef de la Likopa, le coup d'état colonel Koudiakou Mbanza, les Matanda et les Mungudiaka en 71, voilà. Major Bika en 75, oui. Procès Ngoudz en 77 après la guerre du Chaba et le Major Kalomé en 1978. Oui. Vous étiez le procureur général. Le procureur général instruit au nom de l'État. Ce n'est pas lui qui rend la justice. Non. Est-ce que vous pensez avoir été juste? J'ai été juste. Je n'ai pas dit la justice au nom du président. Beaucoup ont été condamnés à mort, beaucoup ont été condamnés. Est-ce que le procureur général de la République de l'époque peut nous dire que tous méritaient leur sentence? Tous ont mérité la sentence. Et je vous regarde dans les yeux. Je n'ai pas rendu la justice unique. La justice juste. Tous donc avaient tenté de prendre le pouvoir. Oui. Comparaison avec aujourd'hui, si vous me permettez. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que cette justice où vous dites que vous, Léon Kengo Wadondo, avez réussi à améliorer cette fonction est ce que tout le monde regrette aujourd'hui? Mais je crois que tout le monde me regrette. Parce que je rendait la justice au nom de la loi. Et je n'ai pas bifurqué là. Qu'est-ce que je pouvais faire? La loi était là, j'appliquais la loi. Dans un pays où Mobutu était le guide suprême, Papa Mokonzi, président fondateur, si il voulait faire condamner quelqu'un, vous arrivez à lui dire non, ce monsieur n'a rien fait. Mais non, il est arrivé que je lui dise, ici je ne trouve rien. Souvent? Oui. Qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? À ce moment-là, il dit, ben, si vous ne trouvez rien, il faut le laisser. Jamais il ne vous a demandé de condamner à tout prix? Non. Ou de faire condamner à tout prix? Non. Et quand ça arrivait, j'appliquais la loi. Vous partez en 1978, vous êtes envoyé à Bruxelles. Oui, comme ambassadeur. Ambassadeur. Certains s'en sont réjouis. Pourquoi, selon vous? Au fond, dans notre pays, on aime que les gens ne réagissent pas. Et il y a des gens qui n'aimaient pas ce que je faisais. Ils se sont réjouis. Mais je ne me plains pas. Je vous ai posé la question il y a 20 ans. Je reviens sur cette même question. Franco, à l'époque, avait chanté Tailleur, où il se réjouissait qu'on vous ait récupéré l'aiguille parce que vous étiez devenu un peu trop puissant, ou vous pensiez peut-être intouchable. Comment jugez-vous cette chanson que vous connaissez? Oui, je connais, mais ce qu'on dit de moi, je ne le regrette pas, parce que je considère que je ne dois pas nécessairement être aimé de tout le monde. Si je fais bien mon travail, les gens peuvent dire, je ne souffre pas de ça. On disait déjà de vous à l'époque que vous ne craignez même pas le maréchal Mobutu, que vous vous croyez aussi fort que lui. Dans la chanson, il le dit d'ailleurs. Mais je ne devais pas craindre Mobutu. Je devais faire ce qui convient. Et Mobutu ne m'a jamais appelé pour me dire « Ah, ici, tu as dépassé. » Non, j'ai fait mon travail selon ma conscience. Vous êtes ambassadeur à Bruxelles. Comment vivez-vous cette descente? Non, le président un jour, c'est-à-dire ce qui est bien, c'est que le président un jour m'appelle. Il me dit, je vais vous envoyer à Bruxelles comme ambassadeur. Et il faut faire autre chose. Je dis oui, et je suis parti. 13 ans procureur général de la République. Bon, ambassadeur. Ambassadeur. Et vous le prenez bien? Je le prends bien parce que je vais voir aussi autre chose. Il faut changer de métier. Combien de temps faites-vous à Bruxelles? 2 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque? Amen. J'ai appris à ce moment-là ce qu'est la diplomatie. C'est-à-dire? Ça veut dire que comment négocier? J'ai négocié pas seulement à Bruxelles, j'ai négocié même à Rome. Mais j'ai aimé ces moments-là. J'ai aimé cette fonction-là d'ambassadeur. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. De rue de Marie de Bourgogne, vous vous retrouvez premier commissaire d'État. Alors expliquez-nous. Le procureur général qui chute à Bruxelles, qui rebondit premier ministre. Oui, et puis le président m'envoie sec. c'est y aller. Cet après-midi, le président voudrait vous confier une autre mission. Pourquoi ? Vous n'étiez pas un bon ambassadeur ? Non, écoute, j'ai dit quelle fonction ? Dit, je ne sais pas, parce que c'était aussi avec l'art du secret. Mm-hmm. Dit, je ne sais pas, mais il dit que vous serez content. Vous connaissez le président personnellement ? Oui. C'est lui qui vous appelle pour aller ambassadeur ? Oui. Mais ce n'est pas lui qui vous appelle pour vous nommer premier commissaire d'État ? Non, il m'envoie cette. Pourquoi ? Ah, je crois qu'il ne voulait pas parler au téléphone. Et, ah, ok. Oui, il m'envoie cette. Et cette, il me dit, le président voudrait vous confier une autre mission. Je dis, quelle mission encore ? Il dit, non. Non, il m'a dit que je dois rentrer avec vous. Et je suis rentré. Nous sommes arrivés le soir parce qu'on avait pris succès. Et le lendemain, le président m'a dit au téléphone. Il dit, c'est toi qui vas remplacer Singh. Singh. Singh. Oju. Singa Oudjou, qui Oudjou. Était, oui, premier oui. Commissaire d'État. Il dit, c'est toi qui vas remplacer Singa, mais je ne te reçois qu'au soir. Pourquoi ? Non, ben, je crois qu'il avait beaucoup à faire. Mm-hmm. Et j'arrive le soir, il dit, ben, on marche un peu dans ma parcelle. Je dis, voilà, j'ai décidé d'être nommé premier commissaire d'État. Je dis, c'est bon. Et tu commences demain. Pourquoi vous ? Ça, je n'ai pas demandé. Oh, vous étiez procureur général, vous discutiez tout ? Oui. Vous étiez l'homme qui, et puis le maréchal Mobutu vous nomme premier ministre, vous ne lui demandez même pas pourquoi il a jeté son dévolu sur vous ? Non, je n'ai pas demandé parce que le président, quand il vous propose, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'est bon pour lui d'abord. C'est bon pour lui. Et puis, je suis resté presque 10 ans comme premier ministre. Avec quelques intervalles quand même. Non, non. 82, 86, 88, 90, oui, 94, 97. Oui, mais c'est-à-dire, chaque fois, il renouvelle. C'est moi qui renouvelle. Oui, mais quand vous, en 86, il vous change. Il vous envoie ministre des Affaires étrangères. On va arriver sur toutes ces étapes. Vous avez pas, vous n'êtes pas resté 10 ans Premier ministre. Vous avez été souvent nommé Premier ministre. D'ailleurs, on serait intéressé de savoir pourquoi vous. Parlez-nous un peu de ce premier mandat, 82-86. Comment cela se passe-t-il ? Quand je vous dis pourquoi il vous a nommé, vous dites que vous ne l'avez pas posé la question. Quelle mission il vous donne alors à ce moment-là ? Non, il me donne la mission de chef du gouvernement et puis il me dit voilà, je voudrais que vous puissiez faire ça, ça, ça. Quoi ? Ça, ça, quoi ? Par exemple, il me dit je veux la discipline au sein du gouvernement. Discipline ? Les membres du gouvernement ont certaines libertés. Je ne veux plus ça. Quelles libertés ils avaient ? Ah, lui a considéré qu'ils avaient certaines libertés et ne faisaient pas ce qui était permis. Alors, moi je viens, je serre la vis. Il veut que vous faites ce que vous fassiez, vous soyez le procureur général au gouvernement ? Non, que je sois premier ministre. Et j'ai imposé ma discipline et tous les membres du gouvernement arrivaient à temps et on faisait le conseil des ministres de 3 heures, terminé. Mmh. Le but, c'était pas que de faire la discipline. Vous avez eu des politiques. On a parlé de Kengo Wadundo, austérité, rigueur, le gouvernement des technocrates, qui forme l'équipe, le conseil exécutif. Lui-même. Ce ne sont pas les gens que vous avez choisis? Non. Première fois, je n'ai pas choisi. Lui-même a choisi tout. J'ai trouvé les gouvernements déjà formés. Tous? Oui. Il y a des gens, cependant, qu'on a toujours, dont on a toujours vu le nom mêlé au vôtre. Ils se retrouvent déjà en 82. C'était pour vous faire plaisir ou c'était à votre demande? Non, j'ai dit que le premier gouvernement a été formé par Mobutu lui-même. Regarde, moi, je n'ai même pas donné un nom. Comment vous travaillez avec eux? Vous avez parlé de la discipline. Comment est-ce que vous décidez, par exemple, parce qu'on a parlé à ce moment-là beaucoup d'austérité, de rigueur, comment est-ce que vous décidez avec eux? Comment ça se passe là pour le... Comment est-ce que vous définissez la politique à appliquer? La première chose que j'ai décidé, c'est que le gouvernement ne doit pas s'éparpiller. L'argent, nous devons le trouver où il est. Au Congo, au Zaïre. Au Zaïre. J'ai fait ça. Apparemment, ça n'a pas bien marché, puisque rapidement, vous êtes tourné vers l'extérieur. On vous a d'ailleurs rapidement appelé l'homme du FMI. Non, je devais obéir au FMI, Banque mondiale. Et j'ai fait ça. Attendez. Vous cherchez l'argent au Congo, mais vous devez obéir au FMI. Rappelez-nous peut-être les circonstances de l'époque. Dans quelle situation économique et financière avez-vous trouvé le pays? J'ai trouvé le pays exsangue. Et maintenant, je prends la tête du gouvernement et je dois faire tout pour générer des ressources. C'est-à-dire mettre l'impôt, percevoir les recettes et élaborer un budget. Et j'ai fait ça. Le budget à l'époque était de combien? Il faut dire, avant c'était bien, mais à un moment donné, il y a eu pillage. Hein? Ah, le pillage est arrivé en 91, là nous sommes en 82-86. Non, là nous avions un budget de 400, 500 millions. C'est petit. Oui, mais... et puis quand nous sommes arrivés au pillage, c'est descendu jusqu'à 200 millions. Mmh. Vous dites que vous n'avez pas choisi les membres de votre gouvernement, mais on y a retrouvé des Pai Pai, Jamboleka, Kiakwama, Tambwe Mwamba, des personnes... Nouvelles. Oui, mais ils sont venus plus tard. Mmh. Ils sont venus plus tard, pas en 82. En 82, vous étiez avec qui? Je ne me souviens même plus, mais c'était, je n'avais choisi personne. Le président, comme j'ai dit, le premier gouvernement s'est formé par le président lui-même. À l'époque, le président changeait les commissaires d'État tous les 6 mois. Oui. Lors du premier remaniement, vous avez fait entrer vos gens? Non. Systématiquement, à tous les remaniements, c'était des gens imposés par lui? Oui. Moi, j'ai commencé à mettre les miens, je crois, vers 90. Pas avant. Non. Quand M. Kiakouama, notamment, entre au gouvernement, ce n'est pas votre demande. Non. J'ai voulu, mais lui n'avait pas voulu. Mais M. Kiakouama a été commissaire d'État aux finances, budget, portefeuille, un grand ministère. Oui. Pas à votre demande. Non, pas à ma demande. À la demande du président. Mais c'est-à-dire, le président, il choisissait ces gens en dehors de moi. Mmh. Comment est-ce que vous expliquez qu'à l'époque, le Zahir Monnet perdait, malgré toute cette austérité, vous parlez d'austérité, de rigueur, tous les programmes avec le Fonds monétaire international et international, Banque mondiale et autres, perdait de sa valeur chaque jour. Mais ça, c'est la monnaie qui n'est pas changeable. Ça, c'est le problème de toutes les monnaies qu'on ne change pas. Et les Zahir Monnaie étaient ça. Vous n'avez pas réussi à changer ça? Non. Et puis, on devait jouer avec ça pour arriver à consolider le budget. Pendant cette période, il y a eu la réduction de beaucoup de dépenses sociales à la demande des bailleurs, notamment l'éducation. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? C'était difficile parce que le budget était déjà arrêté et il faut se soumettre. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé à surgir dans le domaine de l'éducation. Vous ne regrettez pas? Je regrette, mais je ne pouvais faire autrement. Le président lui-même commençait à fixer les budgets. Le président Mobutu. Oui. Alors, vous ne pouvez pas aller plus haut. Vous devez rester. Et puis, ce n'est pas lui seul. Le Fonds monétaire vient et vous dit que vous ne pouvez pas aller à autant. À cette même période, il y avait des sociétés comme la Gécamines qui produisaient beaucoup. Oui. Gécamines est arrivé même à produire un moment 400 000 tonnes. Les revenus étaient en centaines de millions. Oui. Ah oui. Et puis, faut dire que là, il y avait le budget, mais il y avait aussi l'argent qu'on devait enlever pour le président. C'est-à-dire? Ah, mais c'est-à-dire, si il y a 400 000 tonnes, vous devez distraire une partie pour le président. Vous étiez Premier ministre, vous l'acceptiez? Mais il doit vivre aussi. Et puis, vous ne pouvez pas refuser ça. Il peut du jour au lendemain vous sanctionner. Vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez procureur général de la République, il ne vous empêchait pas d'être en dehors de vos tâches. Quand il vous demandait ou exigeait de l'argent et vous l'avez accepté. Mais il ne peut vivre que de ça. Je ne peux pas le lui refuser. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Parce que certains pensent que si cet argent avait été utilisé à autre chose, le pays serait mieux. Je ne sais pas. À Brazzaville, est-ce que le président prend dedans le pays ne s'en sort pas? Qu'est-ce qui a manqué au Congo alors pour que ce soit mieux? Si le président ne prenait pas beaucoup, le pays aurait été mieux. Mais il prenait beaucoup. À un moment donné, je me retrouve avec les Libanais. Et c'est les Libanais qui lui procurent maintenant de l'argent. Alors, je lui dis, mais l'argent que les Libanais procurent vient toujours de chez nous. On dit oui, mais et ça vient de chez nous, mais c'est eux qui m'apportent. Je dis, mais nous allons être leurs prisonniers. Alors, je dis, il me dit, et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, laissez les Libanais, nous devons nous débrouiller nous-mêmes. C'est vous qui chassez les Libanais, et comment cela se passe sans les Libanais? Mais je chasse tous les Libanais. Et au début, ils me regardent faire, et après, ils disent, tu vois maintenant? Je n'ai plus rien. Il dit non. Vous avez encore. Mais laissons le Libanais de côté. Alors, on a chassé tous les Libanais. Et lui, un peu après, vous chasse. Vous l'apprenez. Est-ce que vous l'apprenez dans ce meeting à Kinkolé le 24 juin où il dit Tokoli à rigueur, on va pas. Oui. On m'en a déjà dit plusieurs fois. Vous saviez? Oui. Mais il ne m'a pas mis dehors. Alors, je continue. Donc, on vous rapportait que le président n'était pas d'accord avec votre politique. Et vous continuez? Continue. Tant qu'il ne me met pas dehors, je continue. Et il vous met dehors comment? Pourquoi? Il ne m'a mis pas dehors tout de suite, 10 ans après. Et puis, quand il me met dehors, il n'a mal écoulé. Ça, là, nous sommes déjà en 97. Mais quand il vous fait partir en 86, en 1986, il vous fait partir et il vous rappelle en 88. En 1986, vous partez. Pourquoi vous partez? Et il m'a nommé président de la Cour des comptes. Vous êtes encore le gendarme? Oui, mais je ne suis pas resté longtemps. Pourquoi? Mais parce que il avait besoin de moi. Je suis revenu. Donc, il vous fait partir, il vous fait revenir. Oui. Pour refaire la même chose. Oui. Et vous continuez à faire la même chose. À faire la même chose. Mais la deuxième fois, quand vous revenez quand même, vous choisissez les gens avec qui vous travaillez. J'ai commencé déjà à choisir des gens que je veux. Lui en met quelques-uns et moi j'en mets d'autres. C'est là où on parle des Kengo Boys. Oui. Les Tamboué, les Kiakwama, tout ça, ce sont des Kengo Boys. Est-ce que le pays va mieux maintenant que vous travaillez avec des gens que vous avez choisis? Je dirais oui. Vous n'en êtes pas persuadé? Parce que lui, il est toujours au-dessus. Et il fait ce qu'il veut. Je ne peux pas le lui interdire. Lors d'un passage à Bruxelles, Gilbert Kyakwa Makiakizi qui dit « Le pays a un genou par terre ». Oui. Même pas un genou, les deux genoux par terre. Pourquoi est-ce que vous continuez alors, si vous n'en tirez pas profit, à collaborer avec quelqu'un qui, selon vous, amène le pays à sa perte? Non, on aime faire ce qu'on fait. On aime faire ce qu'on fait ou on tire parti de ce qu'on fait? Non, je ne tirerai pas parti. J'aime ce que je fais et il me laisse certaines libertés. La passion de l'État, c'est ça? Oui. Mais vos relations avec le maréchal Mobutu, même s'il vous nomme souvent, ne sont plus les mêmes. Vous êtes peut-être, après votre passage à Bruxelles, devenu l'homme de l'extérieur. Oui, mais c'est-à-dire j'étais déjà l'homme de l'extérieur parce que je devais obéir au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Est-ce que cet extérieur ne vous a pas imposé à Mobutu comme Premier ministre? Non. Mobutu m'a choisi, j'ai accepté et Mobutu s'est imposé à moi. Oui, mais on disait à ce moment-là que vous étiez imposé, que Mobutu, lui, il voulait continuer. Non, je ne sais pas. Non, parce que ce n'est pas facile de travailler avec Mobutu. Pourquoi? Mais parce que il a son dictat. Alors, nous travaillons parce que nous aimons travailler. Est-ce qu'à ce moment-là, je parle avant le 24 avril 90, vous avez toujours les mêmes rapports avec lui? De jeune frère à grand frère de Coquille Latville. Oui. Vous vous entendez toujours bien? Nous entendons toujours bien. C'est plus tard, que il m'a révélé d'autres aspects de lui. C'est-à-dire? Je veux dire, il ne veut plus écouter ce que je disais. C'est pourquoi, quand il appelle à la démocratisation, vous vous retrouvez dans l'opposition ou vous retrouvez dans l'opposition pour d'autres raisons? À un moment donné, je voulais rester dans l'opposition. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Vous êtes premier commissaire d'État quand Mobutu prononce son discours le 24 avril. Est-ce que vous savez ce qu'il va dire? Non. Je suis avec lui avant cette réunion-là. Et puis, il ne me dit rien. il a tourné, il a été partout au Zaïre, il a fait ce qu'on a appelé les consultations populaires. Vous n'avez aucun retour de ce que les gens lui disent? Non. Non. Il était parti avec Mokolo. Édouard Mokolo Wampombo. Oui. Je ne sais pas. Les conclusions qu'il donne, est-ce qu'il pense que ce sont les meilleures ou est-ce qu'il veut faire uniquement comme cela se faisait ailleurs après ce qui s'est notamment passé en Roumanie avec Ceaușescu? Non, il voulait, il croyait que ce sont les conclusions les meilleures. Il n'a pas... Non, Ceaușescu a terminé mal, lui ne voulait pas terminer mal. Donc c'était pour ne pas terminer mal qu'il arriva à ses conclusions. Oui. Mais quand il dit deux partis politiques, c'était déjà ce que disait le manifeste de l'ANCELE. Oui. C'était déjà ce que demandait Étienne Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qu'il change alors, à ce moment-là? Non, il ne change rien, mais il veut deux partis. Mais on voit après que lui-même n'a pas tenu ces deux partis. À ce moment-là, est-ce qu'il sent qu'il peut perdre le pouvoir? Oui, il sent. Il vous le dit? Non, il ne dit pas. C'est quelqu'un qui ne révèle pas le fond de lui-même. Quand il fait ce discours, qu'est-ce qu'il vous dit après ce discours? À vous, qu'est-ce qui change pour vous? Non, même avant, il ne m'a rien dit. Mais après? Après, non plus. Vous êtes toujours premier commissaire d'État? Oui. Vous êtes toujours premier commissaire d'État du parti État MPR? Oui. Qui ne devient plus parti État? Oui. Qu'est-ce qui change pour vous après le 24 avril, alors? Rien. Mais je commence à perdre le pouvoir. Vous? Oui. Ça veut dire? Mais cela veut dire que je compte plus beaucoup pour lui. Je comprends pas. Non. Je ne compte plus beaucoup comme Premier ministre. Sur qui compte-t-il? Maintenant, il veut élargir son cercle. À qui? À d'autres. Qui? Mais... Après, moi, il a nommé quelqu'un d'autre. Oui, mais il veut élargir son cercle. Pourquoi? Pour gérer plusieurs partis ou... Non. Toujours un parti. Mais bon, le MPR est là, l'UDPS est là, vous créez l'UDI, vous êtes toujours Premier ministre, certes, vous dites qu'il vous change. Mais les dons ont changé à ce moment-là. Oui, les dons ont changé. Et puis, je ne resterai pas longtemps. Je vais partir. Pourquoi est-ce que vous allez dans l'opposition? C'est le seul avenir que j'avais. Vous aussi cherchez l'avenir? Ah oui. C'était pas possible de lutter avec celui qui vous avait nommé Premier ministre aussi non, longtemps? Non, parce qu'il ne veut plus de moi. Vous ne partagez pas son bilan? Vous ne pouviez pas changer les choses avec lui? Lui ne veut plus de moi. Donc vous êtes parti à l'opposition parce que lui ne voulait plus de vous? Oui. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout de rapport avec lui? Non. Comment vous vivez la conférence nationale souveraine? Mal. C'est-à-dire? Je n'ai plus de référence. Parce que lui choisit d'autres. Pendant la conférence nationale souveraine, on fait le procès des années Mobutu. Et on vous cite. Comment est-ce que vous traverser cette période? Mal. Mal. Parce qu'on vous renie. on renie aussi Mobutu. On renie ceux qui ont travaillé avec lui. Oui, on vous renie. Mais si on vous renie, vous n'êtes pas content. Est-ce que ce qui a été dit à la Conférence nationale souveraine, tout ce qui a été dit était faux? Je ne dis pas tout était faux. J'ai dit tout était vrai. Tout était vrai. Peut-être une partie était exagérée, mais tout était vrai. Comment cela se passe-t-il avec, à ce moment-là, où vous êtes, on parle d'union sacrée, quels sont vos rapports, sachant tout ça, avec ceux de l'opposition qui combattaient Mobutu? Vous étiez avec eux ou vous étiez parmi eux? Je n'étais plus avec Mobutu en tout. J'étais avec les autres. Les autres vous acceptiez? Hein? Ils vous acceptaient? Ah oui, ils m'acceptaient. Comment réagissez-vous quand on nomme Étienne Tshisekedi, quand on désigne Étienne Tshisekedi, quand on élit Étienne Tshisekedi? Je considère que la donne a changé. Vous le soutenez? Oui, je l'ai soutenu. Vraiment? Oui, je l'ai soutenu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aussi longtemps Premier ministre que vous? Je crois que lui n'est pas venu pour rester. Il est venu pour repartir. Il ne voulait pas rester Premier ministre? Non. Ah bon? Non. Et puis, il a commencé à contester le président. Étienne Tshisekedi, en 92, est nommé Premier ministre. Il se passe ce qui se passe. En 97, il veut encore être nommé Premier ministre. Et vous nous dites aujourd'hui qu'Étienne Tshisekedi ne voulait pas demeurer Premier ministre. Non. C'est-à-dire, quand on veut demeurer Premier ministre, on ne conteste pas le pouvoir du président. Quand vous contestez le pouvoir du président, au fond, vous ne voulez pas rester. Et vous vous rendez compte que Étienne Tshisekedi ne veut pas rester Premier ministre? Non. Oh, tout de suite. Tout de suite. Vous faites quoi à ce moment-là? Je ne fais rien. Parce qu'après lui, il y a Birindwa, il y a Mungul. Oui. Il faut dire que Birindwa, Mungulu, étaient des premiers ministres de paille. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Ils n'étaient pas venus pour gouverner. Ils étaient venus pour accompagner Mobutu. Oui. Et comment est-ce que vous revenez en 94 pour accompagner Mobutu? On m'a toujours accompagné Mobutu. Mais comment est-ce que vous, de l'opposition, expliquez que vous reveniez Premier ministre en 94? Alors que vous connaissez Mobutu, que vous êtes opposé à lui, et que vous ne voulez pas travailler ou plus travailler avec lui comme vous travaillez avec lui précédemment. Mais les vents tournaient. Maintenant, tout le monde considère que Mobutu est fréquentable. Donc vous recommencez à le fréquenter? Oui. Quels sont vos rapports à ce moment-là? Bon. Comme avant? Oui. Vous vous fréquentiez comme avant? Oui. Vous lui envoyez l'argent comme avant? Oui. Après la conférence nationale souveraine? Oui. Il continue à recevoir de l'argent comme avant? Oui. Quelle était la différence entre le Mobutu d'avant la conférence nationale et celui d'après? C'est le même Mobutu. Mais le il se comporte autrement, mieux qu'avant. C'est-à-dire, il vous laisse travailler? Oui, il vous laisse travailler. Il demande moins d'argent. Et puis, nous avions déjà subi le pillage. On parle beaucoup du pouvoir du président à comparer avec le pouvoir du Premier ministre. Vous avez été longtemps Premier ministre, avant et après. Quel est le changement de rapport de pouvoir entre la période avant la Conférence nationale souveraine et après? Mon but est resté le même. Mais le Premier ministre avait plus de pouvoir après la Conférence nationale. Peut-être, mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas ses pouvoirs. Je considère que mon but n'a pas changé. Mais peut-être lui considère qu'il a changé. Mais moi, je ne considère pas qu'il a changé. En 97, en mars, après que l'on vous ait reproché de ne pas avoir bien mené la guerre contre la FDL, on vous fait partir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous aviez fait tout ce qui était en votre mesure pour organiser la guerre? Est-ce que vous aviez les moyens de l'organiser? Il n'y avait pas de moyens. Pas d'argent. Il n'y avait pas de moyens. Et je ne pouvais rien faire. Quand vous veniez à Bruxelles, quand vous allez à l'étranger demander des soutiens, que personne ne m'a donné l'argent. Les amis n'ont pas donné l'argent. Mobutu tombe le 17 mai 97. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Après, quand il est tombé, je ne l'ai plus revu. Parce qu'il est rentré à Guadeloupe. Je ne l'ai plus revu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Je crois en réalité c'est l'Occident qui a été fatigué de lui. Pourquoi l'Occident l'avait soutenu autant? Parce que lui était arrivé, et lui était l'homme de l'Occident. Mais après, l'Occident ne veut plus de lui. Il devait partir. Tout à l'heure, je vous demandais si c'est l'Occident qui vous a imposé comme Premier ministre. Vous m'avez dit non. C'était Mobutu qui voulait de moi. Oui. Est-ce que quand l'Occident ne veut plus d'un président au Congo, ce président peut rester? Ne restez pas. De quel pouvoir l'Occident a pour ça? Mais l'Occident a sa forme de pression. On dit il faut mettre celui-ci. Et je crois l'Occident est même au bout tout jusqu'à un point qu'il n'aimait, il ne voulait plus de lui. Comment est-ce que Mobutu a réussi à tenir aussi longtemps? Parce que il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas Léon Kengo, il n'y avait pas... Oui, mais Léon Kengo n'était pas, non, n'était pas connu à l'époque. Ngouz Kalibonde ne pouvait pas être Premier ministre parce que il fallait être de l'armée. Pour être président de la République, il fallait être militaire. Oui. Jusqu'à 97. Oui. On dit que le président Mobutu, avant sa chute, vous avez rassemblé, vous avez expliqué la difficulté de la situation et a attendu que l'un d'entre vous prenne la relève. Est-ce que c'est vrai? Non. Il n'a jamais réuni son monde pour ça. Mais... Aucun d'entre vous n'avait compris à ce moment-là que c'était fini? Non, personne n'avait cru que ça finirait comme cela. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Alors que tout le monde attendait Étienne Tshisekedi, comment devenez-vous Premier ministre en 1994? Ça, c'est la volonté du président. Vous étiez de l'opposition à ce moment-là? Oui, j'étais de l'opposition, j'étais même en exil. Et je suis revenu. Et le président m'a dit vous allez devenir un nouveau Premier ministre. Et vos amis de l'opposition, comment avaient-ils réagi auprès de vous? Moi, je crois que l'entendement commun à cette époque-là, c'était que je redevienne Premier ministre. Tout le monde attendait cela. Et lorsque le président me l'a proposé, c'était donc avec les autres. Et j'ai accepté de reprendre le bâton. Vous avez été Premier ministre du temps du MPR. Oui. Vous devenez Premier ministre et le restez pendant 2 ans du temps de la Conférence nationale souveraine. Quelle est la différence? Est-ce que vous êtes toujours autant à vouloir servir le président Mobutu? Oui, le président Mobutu était un bon président. Il m'écoutait. Quand je ne voulais pas de quelque chose, je le lui disais. Parfois, il n'était pas content, mais après, il s'est rallié. Et pour sa dotation présidentielle, il y avait toujours les mêmes problèmes? C'est-à-dire que la dotation présidentielle n'a jamais posé de problème. Le président savait quel montant il proméritait. Cette fois-là, il m'a dit « Ah, je voudrais un peu plus. » J'ai dit « Avoir plus ne pose pas de problème, mais on ne va pas vous donner une fois. Une fois que nous avons décidé du montant, on doit chaque fois répéter ces montants de mois en mois. » Alors, je lui ai dit, mais il faut dire aussi que à ce moment-là, il y a eu les canafères qui sont passés. Il recevait beaucoup plus ailleurs. Alors j'ai dit, comme vous voulez que nous puissions renouveler votre dotation, nous devons nous convenir on ne les change plus. Dis bon, proposez-moi. Je lui ai proposé. Et puis, il a accepté et nous sommes allés. Est-ce que le Mobutu d'avant le 24 avril agissait de la même manière ou avait les mêmes rapports avec le Premier ministre que vous étiez devenu en passant par l'opposition? Oui, il n'a pas changé. Il demandait et si je considérais que c'était proportionnellement à ce que nous recevons comme recette, je ne peux pas lui refuser. Vous décidiez plus à ce moment-là, hein? Je décidais. J'ai toujours décidé, même avant. Mais après, c'était plus encore. Et puis, en plus, lui est devenu exigeant. Mais quand je disais que je ne peux pas faire ça, il comprenait. En 96 commence la guerre à l'Est. Laurent Désiré Kabila et une dizaine d'armées, on l'apprendra plus tard, vont de conquête en conquête. Pourquoi est-ce que votre gouvernement, pourquoi est-ce que le Zaïre n'a pas pu faire face? Bon, le problème est un problème complexe. Nos militaires n'étaient pas formés pour la guerre. La guerre, quand elle est venue, les a surpris. Et ils sont allés à la guerre malgré eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autres, ceux qui sont venus aider Mobutu, ont voulu aussi se défaire d'eux. Alors, tout le monde disait qu'il faut donner à l'armée l'argent, mais on a donné à l'armée l'argent. Suffisamment d'argent? Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Et nous avions des recettes qui n'étaient pas excédentaire. Mais on a donné à Mobutu suffisamment pour qu'il puisse faire la guerre. Mais alors pourquoi il n'y est pas arrivé? Certains ont condamné les généraux commerçants. Est-ce que c'est aussi votre avis? Les généraux, ce n'est pas nouveau. Les généraux ont toujours voulu à côté faire des commerces. Mais c'était interdit. Oui, c'était interdit. Mais il le faisait quand même. Conclusion, le Zaïre s'en va. Est-ce que vous, Premier ministre, pouvez nous dire aujourd'hui que vous aviez fait tout ce qui était dans votre possibilité pour que le Zaïre ne perde pas cette guerre? Mais je ne l'ai pas seulement fait. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais il faut toujours considérer que les militaires, Il veut la guerre, mais il ne sait pas la faire. On disait pourtant que les FAS étaient une bonne armée qui avait combattu au Tchad, qui avait combattu au Rwanda, qui avait gagné des guerres à l'extérieur du pays, et que la DSP, Division Spéciale Présidentielle, la garde de Mobutu, pouvait faire face. Mais je crois que tu sais bien que cette armée-là, à un moment donné, est partie à Brazza. Tu te souviens? Alors, pourquoi aller à Brazza s'il devait combattre ici? C'est ça le problème. Il faut dire que l'armée s'est battue. Mais les guerres étaient récurrentes. À un moment donné, il n'a plus donné ce qu'il devait donner. Mmh. Il n'y a pas eu de trahison. Ça, je ne peux pas le dire crûment comme ça. Il y a eu quelques trahisons, mais quand Mobutu a pris lui-même la direction de la guerre, les trahisons cessaient. À un moment donné, tu te souviens, il a pris la direction de la guerre. Les militaires se sont mis au pas. Pourquoi est-il parti selon vous? Parce qu'il était malade? Parce qu'il n'était plus le président Mobutu soutenu? Oh. Il est parti. Ça, moi, je ne pourrais pas dire à sa place. C'est lui qui aurait pu dire ça. Je crois. Il est parti parce que... l'armée de Kabila a commencé à gagner. Mmh. Avant que Kinshasa ne tombe, au Conseil supérieur de la République, Parlement de transition, décide que vous ne serez plus Premier ministre. Commence alors pour vous quelques années d'exil, en Belgique notamment. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Mais lorsque vous étiez chef du gouvernement, du jour au lendemain, on vous dit que vous ne l'êtes plus. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on parle. Hein. En réalité, on vous a trahi aussi. On dit que vous ne convenez plus. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté au Congo? Pourquoi est-ce que vous êtes parti à l'étranger? Parce que, simplement, qu'est-ce qu'il faut faire au Congo? Lorsqu'on a quitté le gouvernement. On ne peut pas rester au pays alors qu'on n'est plus au gouvernement. Non, mais il faut aller à l'étranger pour se reposer et se ressourcer et revenir bien retapé. Je vous interviewais à l'époque, vous étiez à Genève. Oui. Je vous ai posé la question, c'était en mars ou avril. Est-ce que vous avez fui? Non. Vous m'aviez dit fuir qui plusieurs fois. Oui. Vous n'étiez pas à l'époque conscient que Laurent Désiré Kabila allait prendre le pouvoir? Ça, je ne savais pas. Mais j'entendais des nouvelles qui arrivaient. Parce qu'à un moment donné, ils sont arrivés par Bandundu. Hein. Mm-hmm. Je savais. Et, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes affaiblis et ils ont pris les dessus. Comment se passent ces années à Bruxelles? Tranquille. Nostalgique? Sûrement nostalgique. Et je suis passé par Genève. À Genève, tout le monde est venu, soi-disant m'accueillir, mais c'était pour voir quel visage je présentais. Les journalistes sont venus m'interviewer. J'ai dit ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre la guerre. Parce que si on perd la guerre, on devient faible. Et c'est ce qui est arrivé. C'était un visage de faible que j'ai présenté. Mais c'est pas moi qui se bat. J'étais à la tête d'une armée. Et c'est cette armée qui a perdu. Et puisqu'elle a perdu, moi aussi j'ai perdu. Quand je me suis présenté à Genève au sortir de l'avion, tout le monde voulait savoir. Je dis, vous avez déjà appris que nous avons perdu la guerre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que vous ne savez pas? Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Pendant 5 ans, vous restez à Bruxelles. Au bout de 5 ans, vous rentrez au Congo. Pourquoi est-ce que vous rentrez au Congo ? Mais le Congo, c'est mon pays. Je viens chercher des opportunités. Politique? Politique. Vous pensez toujours faire la politique à son moment? Mais la maladie de la politique ne se guérit pas. Lorsque vous avez été politique, vous aimeriez recommencer. Vous quittez Kinshasa en vaincu? Oui. Est-ce que vous négociez votre retour? Je n'ai pas négocié. On a vu beaucoup d'anciens, entre guillemets, mobutistes arrêtés, menacés. Vous n'avez pas peur de rentrer? Non, je n'ai pas peur parce que je n'ai rien fait de répréhensible pour qu'on puisse m'arrêter. Si on m'arrêtait, ça serait pour des motifs politiques. Vous êtes politique, vous savez que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je n'ai pas fui parce que je considère que ce que j'ai fait avant était satisfaisant. Vous n'aviez pas peur? Non. Vous n'aviez pris aucun contact? Aucun contact. Vous avez juste acheté un billet d'avion? Oui. Vous êtes revenu? Revenu. On n'avait pas pris vos biens comme beaucoup d'anciens dignitaires? Non. On n'a pas pris mes biens. Quand je suis en exil, il y a quelqu'un qui logeait chez moi. Et chaque fois, il me téléphonait pour me dire que je trouverais tout dans ma maison. Et vous avez tout trouvé dans votre maison? J'ai trouvé tout. Pourtant, la maison où vous habitiez à Okapi a été totalement pillée. Oui. Mais là, c'est la vindicte. Bon, vous ne pouvez plus regretter ça. Comment est-ce que vous organisez l'élection pour devenir président du Sénat? Tout le monde attendait chez Okitundu, le candidat du président. Vous, vous êtes de l'opposition et c'est vous qui l'emportez. Expliquez-nous comment cela s'est fait. J'ai fait la campagne. Je n'ai pas fait une fois. J'ai fait la campagne au moins 5 fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire revenir sur les mêmes personnes. 5 fois. La campagne dure 48 heures maximum. Oui, mais... Vous avez commencé la campagne quand vous rentrez, avant de rentrer, au moment où... Non, mais quand je suis rentré... Dès que vous entrez, vous dites « je veux être président du Sénat ». Quand vous rentrez, vous aviez l'objectif de l'être. J'ai dit que je vais être président du Sénat. Mais la majorité des sénateurs étaient des gens de Joseph Kabila. Oui. D'ailleurs, le jour où j'ai été élu, ils n'étaient pas contents. Ah bon? Non. Ils n'étaient pas contents. Mais vous venez de dire... Il s'attendait à ce que chez Okitundu puisse être élu. Mais tout le Sénat était pour moi. Comment cela? Pourquoi ils étaient tous pour vous? Mais je crois que j'ai des vertus cachées. Lesquelles? Il faut nous expliquer. Mais lesquelles? C'est... D'abord, premièrement, j'ai fini comme premier ministre. Je suis très bien sorti. Et ma gestion de premier ministre était très bonne. Et puis, si on me propose de devenir président du Sénat, c'est les sénateurs qui étaient pour ça. C'est vous qui voulez devenir président du Sénat ou c'est eux qui vous ont proposé de l'être? Non, moi je voulais être président du Sénat, mais je devais m'adresser à ceux qui vont m'élire. Et finalement, j'ai acquis l'adhésion de presque tout le monde. Vous dites le président Kabila est fâché. À un moment donné, quand il a appris que j'étais élu, il n'était pas content. Comment ça s'est passé avec lui après? Mais, vous savez, moi je suis républicain. Je travaille avec les gens. Les gens qui ne sont pas contents de moi, je veux faire tout pour qu'ils soient contents de moi. Et lorsque j'ai été élu, j'ai appris que le président n'était pas content. Alors, j'ai commencé. À lui faire la cour, ah du oui, charme. Le charme. Ça veut dire? Ah, mais c'est-à-dire, j'ai dit à ceux qui les connaissent, je suis un républicain. D'ailleurs, lui, finalement, un jour, nous sommes allés avec Beauchamp le saluer. C'est lui qui dit à Beauchamp, il dit, de vous tous ici, les républicains, c'est lui. Ces années se sont bien passées? Très bien, très très bien. Comment est-ce que d'opposant à lui, vous avez notamment adhéré à l'AMP et au FCC? Non, je... C'est-à-dire, j'ai voulu qu'il me considère comme un des siens. Pourquoi? Mais pour que il m'apprécie. Vous étiez devenu, vous qui avez eu les vôtres, homme de Kabila. Non, je ne suis pas devenu homme de Kabila. Je suis devenu serviteur de Kabila. Du président ou de Kabila? Non, du président. Et un jour, nous étions avec Bouchab au palais du peuple. Alors, il dit à Bouchab, de nous tous ici, le plus républicain, c'est Kengo. Pourtant, à deux reprises, le Sénat s'est désolidarisé par la voix de son président, notamment en 2015, des propositions faites par la famille politique du président Kabila. Notamment, rappelez-vous, quand il y a eu des émeutes et que vous êtes intervenu et que ça a tout calmé. Vous n'étiez pas complètement homme du président Kabila. Non. Homme du président Kabila, non. Mais je savais mettre la touche où il peut apprécier. Il a apprécié le fait que vous vous soyez opposé à lui à ce moment-là? Non, il a apprécié tout ce que j'ai fait pour me rapprocher de lui. Il n'y a jamais eu de crise entre vous? Jamais. Comment est-ce que vous le jugeriez si on vous demandait de dire comment est Joseph Kabila? C'est-à-dire, Joseph Kabila, est aussi républicain. Et lorsque j'ai été élu comme homme, il n'a pas apprécié, mais après, ma manière de servir lui a plu. Plus républicain que le maréchal Mobutu? Oh, je ne vais pas comparer, mais j'ai dit Mobutu était républicain. 12 ans à la tête du Sénat. Oui. Et jamais de crise. Comment Léon Kengo Wadondo a-t-il fait pour gérer tout ce monde alors que votre successeur n'a pas tenu 2 ans? Il faut toujours, quand on est chef, écouter ce qui vous entoure. Et moi, j'ai écouté les sénateurs. Et les sénateurs ne m'ont jamais rejeté. C'était toujours pour moi. En parlant de la gestion, on annonce un crédit de 5 millions de dollars au Sénat. Est-ce que vous avez laissé des dettes à l'institution? Non. En partant? Non. Aucune dette. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Vous avez été procureur général de la République, plus de 10 ans. Vous avez été... 13 ans. Vous êtes très précis. Vous avez été 10 ans Premier ministre. Vous avez été 12 ans président du Sénat. Vous êtes le seul Congolais à avoir dirigé autant de temps institution judiciaire. Et puis, tous les trois instituts. Oui. Toutes institutions judiciaires, l'exécutif et le législatif. Quel est votre secret? Mon secret, c'est faire du pouvoir qu'on vous a confié, un avec vous. Que le pouvoir puisse être votre votre répondant. Et vous savez, quand j'étais au Sénat, tout le monde était d'accord avec moi. On a tellement dit sur vous. Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Tout. Vous savez qu'on vous a... Il y en a qui vous ont respecté au Sénat, parce qu'il y avait une grande différence entre d'autres institutions et la vôtre. Il y en a qui vous ont détesté à la primature. Précédemment, on a parlé de Franco qui avait chanté quand vous étiez procureur, sa joie de vous voir partir. On a tout dit de vous. Comment est-ce que vous avez traversé toutes ces époques? Le MPR, l'opposition, les années Kabila. J'ai traversé tous ces pouvoirs allègrement. Parce que je connaissais chaque pouvoir. Je m'identifiais à lui. Et je continue. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui officient aujourd'hui et à ceux qui demain officieront? La première chose, il ne faut pas arriver au pouvoir pour considérer que le pouvoir est à votre service. C'est vous qui êtes au service du pouvoir. Avez-vous été toujours au service du pouvoir? Oui. Vous avez des exemples? Premièrement, quand j'étais au pouvoir, je n'ai jamais fait de distinction entre les membres du gouvernement, entre le sénateur. Je le traitais de la même manière. Et même quand j'étais procureur général, je traitais les magistrats de la même manière. Ça, c'est la première chose. Parce que l'homme voit tout de suite si on le traite bien ou on ne les traite pas bien. Moi, j'ai traité toujours les magistrats, les ministres, et puis après les sénateurs, de la même manière. Pas de clivage, pas de distinction. Et ça, ils ont vu. Deuxièmement, il faut appliquer la loi partout de la même manière. Comme procureur général, comme premier ministre, comme président du Sénat, j'ai appliqué la loi de la même manière pour tous. Jamais de différence. Jamais de différence. Jamais d'entorse à la loi. Non, jamais d'entorse à la loi. Si il y a entorse, elle doit venir à l'avantage de celui qui subit la loi. Ça, ce sont les conseils que vous donnez. Il faut d'abord considérer que c'est vous qui a le pouvoir. Il faut appliquer la loi sans distinction. Troisièmement, s'il y a une distinction, elle doit être en faveur de celui qui subit la loi. Monsieur Léon Kengo Adondo, merci beaucoup. Merci. De nous avoir accordé de votre précieux temps. Vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme, quel qu'il soit. Parce que normalement, avec tout ce que nous avons comme don en ce pays ne devait pas être dans cet état. Qu'est-ce qui manque à l'homme pour que ce pays change? La volonté de réussir. C'est ce qui lui manque. Et je crois, sans cette volonté-là, le Congo ne vaudrait aucun penny. Est-ce qu'on nous laissera nous développer? Mais on nous laisse nous développer. Mais nous devons tout faire pour éviter la cupidité, pour travailler pour le pays, pour qu'il se développe. Et nous avons tous les atouts. Vous avez dit que le problème, c'est l'homme. Est-ce que l'homme congolais est capable de tout ça? Oui. L'homme congolais est capable de tout ça. Mais il doit mettre en avant sa probité et son honnêteté. Qu'il travaille pour le pays et pas pour lui. S'il le fait, le pays va monter et monter plus haut. Monsieur Léon Kengo Adondo, je vous remercie. Merci. Merci d'avoir été avec nous encore 50 ans passés en revue dans cette émission Mémoire que nous retrouverons au mois de mars prochain avec des témoignages féminins. Notre prochaine invitée sera Madame Catherine Zouziwambombo. Merci d'avoir été avec nous, merci de vous laisser vos suggestions, vos questions, nous y répondrons. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt.